Donc, les effets de la sécheresse sur la mortalité des arbres en milieu tropical, ils ont été observés de deux façons, donc expérimentalement et par les données climatiques. Donc là, par exemple, cette image, c'est une expérience qui a eu lieu au Brésil, donc les chercheurs ont installé des panneaux sous la forêt afin d'empêcher la pluie de tomber. Donc avec cette expérience, ils peuvent enlever jusqu'à 60% des précipitations pour la forêt. Et ce qu'ils ont observé, ces chercheurs, c'est qu'au bout de 3 ans, les taux de mortalité étaient très importants, donc ils augmentaient de 40%, et que les arbres les plus touchés, c'était les gros arbres. Donc, gros arbres, dit gros rejet de CO2 vers l'atmosphère. Alors, il y a donc les autres résultats sur la mortalité, ils proviennent donc des sécheresses qui ont eu lieu ces dernières années, donc 2005 et 2010 sur l'Amazonie. Et là aussi, les auteurs ont montré que, notamment Lewis et Brando, que la mortalité augmentait et que la forêt, à ce moment-là, n'était pas un puits de carbone, mais une source de carbone. Et point important aussi, c'est que le nombre de feux augmentait aussi de façon très importante et donc rejetait beaucoup de CO2. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la croissance des arbres, donc de l'effet de la sécheresse sur la croissance des arbres. Donc pour les forêts tropicales où on a beaucoup de pluie et pas beaucoup de saisonnalité, donc très peu de saisons sèches, là, certains auteurs ont montré que lors des sécheresses, la croissance diminue. Par contre, en Guyane, où là on a un milieu quand même avec une forte saisonnalité, les arbres sont relativement adaptés. Ils arrêtent de pousser en saison sèche, mais par contre, lors de la reprise des pluies, ils arrivent à faire leur croissance annuelle assez rapidement. Par contre, dans notre étude, on n'a pas eu de phénomène vraiment extrême, donc on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer s'il y a une saison sèche qui dure 10 mois ou un an. Mais pour l'instant, les arbres semblent relativement adaptés.